viens de là où tout est entre chien et loup. Hélas, on ne distingue plus rien, on vit dans un brouillard à coupe et au chlasse. Tout ça beau, révolté ou simple abuse et tout sa beauté. Est-ce la seule raison pour exister ici où l'on croit que la vie fait le mal? Ici où la gloire des bandits nous enflamme. A rien de pouvoir prévoir, chaque soir on rêve à une autre histoire avant de s'apercevoir qu'ici on crève. Où la seule fenêtre sur le monde est cette putain de télé. Image funeste, trop peu de réalité, juste histoire d'être frustré. Putain, la nôtre elle est pas belle à voir, certaines veulent pas y croire. D'autres nous traitent de pleurnichards, mais quand seuls les gyrophares illuminent notre nuit, quand la seule attraction est celle-là même qui nous détruit. Science-fiction ou réalité sans rémission, quand t'es au fond du gouffre sans propulsion, tu sens la traction. Ce qu'on repousse, qu'on étouffe, qu'on bafoue. Pour vous, du gouffre aux égouts. Ceux qui font tout, méprisent partout. C'est pour vous, du gouffre aux égouts. Ceux qu'on repousse, qu'on étouffe, qu'on bafoue. Pour vous, du gouffre aux égouts. Ceux qui font tout, méprisent partout. Même si écorché vif, rien à foutre que tu bouges. J'ai tif, je me sens plus rouge qu'une que rose bif. Cette merde me rebiffe, j'ouvre ma routine. On me dit que la roue tourne, que la fortune est à portée de main. Que c'est simple de gagner de la thune. Qu'ici il faut que tu pèses, pour que tu pèses. Et moi qui m'acharne à crier paix et respect, qu'il faut rester humble pour sortir notre vétusté. Morale, faut pas de flingue, nulle dualité. Et que la simplicité n'est pas l'incivilité ou toute autre débilité, futilité. La vraie efficacité passe par la fraternité. Et même si on nous met des bâtons dans les roues, des barreaux aux fenêtres, et qu'au fond de nous on a l'impression qu'ils aimeraient nous faire disparaître, on est là, on vit là, on va craindre de là, avec nos putains d'illusions à des millions d'années de là. Du coup, on s'égoûte. Ce qu'on repousse, qu'on étouffe, qu'on bafoue. Pour vous, du coup, on s'égoûte. Ceux qui font tout, méprisent et partout. C'est pour vous. Pack, celle des UP et des AC, celle que les médias traquent, celle que l'État attaque. Je m'en fous que tu viennes du 9-4 ou du 1-3. J'aimerais que tous ensemble on monte notre majeur à l'État. Parce qu'aujourd'hui on représente quoi? Des plaques d'immatriculation. Mais au fond, quelle est notre réelle implication? On nous fait croire qu'on est des sous-français. Faut écouter la France d'en bas s'exprimer. Faut arrêter de les insulter. On envoie nos collègues en procès pour insulte au pays. Mais sache que j'aime la France, c'est ta politique que je vomis. La France devient le pays des droits de l'homme friqués. Tous enfants de la patrie, mais beaucoup trop sont reniés. Tricard, avant même d'être né écarté, on rentre smicard. Si tu viens d'un putain de quartier, celle-ci c'est pour vous, du gouffre aux égouts.